Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Web Musique, c'est la seule émission à vous offrir de la musique en téléchargement gratuit. Donc, toutes les pièces entendues à l'émission, bien, vous pouvez les télécharger en consultant le site de l'émission. Cette semaine, on va débuter avec un artiste qui est sur le netlabel Glitch City. C'est tiré de la compilation Glitch Villager 3. Donc, une étiquette assez intéressante qui donne dans le 8-bit, musique assez expérimentale. Donc, vraiment intéressant. Je vous invite à télécharger la compilation Glitch Village. Donc, l'artiste est australien, s'appelle Wandering Bear. Je vais vous faire entendre sa pièce Donnie Darko. Donc, on écoute ça tout de suite. We'll be right back. Une petite pièce pour vous réveiller. Donc, c'était Wandering Bear, un artiste australien avec sa pièce Donnie Darko. C'était publié sur Glitch City. On va poursuivre dans un tout autre registre. J'ai un peu de gamelan pour vous. Donc, musique percussive qui vient de la ville de, excusez-moi, qui vient de Bali. Donc, c'est un enregistrement quand même assez vieux qui date de 1928. Donc, c'est pour ça que ça sonne. Ça sonne comme ça. Donc, je crois que c'est à partir d'un 78 tours. J'ai trouvé ça sur la Free Music Archive, l'archive gratuite de musique de WFMU. Donc, ça s'appelle Gander Vajang de Kulta. Donc, la pièce s'appelle Pemunka. Excusez-moi, Pemunka. Ensuite de ça, ben, un artiste anglais du nom de Third Person Lurkin s'est publié sur Dusted Wax Kingdom. Je vous fais passer la pièce Mountaintop Temples. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On vient tout juste d'entendre la pièce Mountaintop Temples par Third Person Lurking, un artiste qui vient de l'Angleterre. Ça, c'était publié sur Dusted Wax Kingdom. Avant ça, c'était du gamelan qui vient de l'île de Bali en Indonésie. Donc, c'était Gander Wajang de Kuta. C'était la pièce Pemanka. Excusez mon indonésien, mais c'est tout ce que je peux faire. Donc, ça, c'est un enregistrement, comme je vous disais, qui date des années 1928, donc quand même pas si pire. On va poursuivre cette fois-ci avec un peu de drum and bass. L'artiste s'appelle Amon. J'ai pas plus d'informations que ça. C'est publié sur Planet Terror Records. Je vous fais passer la pièce Mannequin Execution. Puis ensuite de ça, ça change encore. J'ai une émission vraiment éclectique ce soir. Donc tout de suite après, c'est de la musique ambiante qui vient de l'Iran. Je vous fais entendre Spontic avec sa pièce Manifold. Ça, c'est publié sur NF Records. Donc, pour tout de suite, on écoute Amon avec la pièce Mannequin Execution. Devenir membre de CKRL, c'est appuyer la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Fidèle à ses nouvelles couleurs et à son nouveau slogan, le 89.1 et ses partenaires offrent à ses membres des rabais aussi intéressants que variés dans les commerces suivants. Au Poble d'Orsay, à l'Abraham-Martin, au Centre de yoga de Québec, chez Futon, etc., au Théâtre Périscope et au Théâtre de la Bordée. Tous les détails à ckrl.qc.ca. Du lundi au vendredi, réveillez-vous avec le 89.1. Actualité, société, culture. 2h30 de plaisir. Avant 9h, tout est possible, avec Raymond Poirier et son équipe, dès 7h. C'est décidé, putain, ben, c'est Vous êtes toujours à l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. Avant la pause, on entendait un artiste iranien du nom de Spontic. C'était sa pièce Manifold. Ça, c'était publié sur Enough Records. Avant ça, c'était Amon. J'ai pas plus d'informations à propos de cet artiste-là, seulement qui est publié sur Planet Terror Records. On avait entendu la pièce Mannequin Execution. Pour la suite de l'émission, ben, on va se diriger plutôt dans les territoires post-rock, mat-rock. Donc, on va débuter avec Beyond Dune Sea. Je vous fais entendre la pièce de Dune Sea. Ensuite de ça, ça va être le groupe Black Sand and Starless Nights avec la pièce 5/8 Perfection. Donc, on écoute tout de suite Beyond Dune Sea. This is the dimension of imagination. Thank you. c'était Black Sand and Starless Nights, la pièce 5/8 Perfection. Donc, Black Sand and Starless Nights, un groupe qui vient de la ville de Brooklyn. Avant ça, de la ville d'Ottawa, c'était Beyond the Dune Sea, avec la pièce de Dune Sea. Donc, deux artistes qui sont publiés sur Abridge Pose Recordings, un net label qui ont, je crois, qui ont 5 albums, donc un net label à découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez sur le site qui est au www.webmusique.org et vous avez accès à toutes les pièces entendues. Vous pouvez les télécharger gratuitement et légalement. On va poursuivre avec un groupe qui est sur Sine Wave. Il s'agit de Herod Lane. Je fais passer la pièce « The Unsung Hero ». Herod Lane, le band vient de Sao Paulo au Brésil. Ensuite de ça, sur Rock Proper, je vous fais passer Klinefelter, la pièce Lying in States. Thank you. C'était Klein Felter avec la pièce Lying in States. C'était publié sur Rock Proper. Avant ça, ben, c'était Herod Lane, un groupe qui vient de Sao Paulo, Brésil. C'était la pièce The Unsung Hero. Ça, c'était publié sur Sine Wave. Donc, ben, ça va être tout pour Web Music. C'est le Dr. Franco qui s'en vient. On se laisse sur une dernière pièce du groupe italien Black Era. Je vous fais passer la pièce I've Been Silent Enough. Passez une belle soirée à l'antenne de CKRL. Chacun peut écrire rapidement, le cracher lentement. Le dernier, tu voles tout. Tu voles tout, même moi. Et ça c'est moi. J'ai encore mon âme, tu ne peux prendre la vapeur. Peut-être j'ai failli, peut-être j'ai failli, tout peut être. Accepter que tu vas continuer, accepter que je vais perdre. De CKRL, c'est appuyer la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Fidèle à ses nouvelles couleurs et à son nouveau slogan, le 89.1 et ses partenaires offrent à ses membres des rabais aussi intéressants que variés dans les commerces suivants. Sillon le disquaire, le poisson d'avril, la librairie Pantoute, la boutique Alpaca, la boîte à pain, les colocs et la fournée bio. Tous les détails à ckrl.qc.ca. Plus que jamais, CKRL cultive tes goûts. Cultive tes goûts. Dès 10h30 en semaine à CKRL, c'est en français que ça se passe. 5 animateurs passent en revue le francophone sous toutes ses facettes. Écoutez Univers francophone. C'est le CKRL. Cultive tes goûts.